composer intelligemment avec l'incertitude sans se réfléchir. Voilà les défis auxquels plusieurs d'entre nous peuvent être confrontés présentement. Composer intelligemment avec l'incertitude, c'est quelque chose d'intelligent à faire en situation de crise mondiale, comme présentement. Donc, la crise du coronavirus COVID-19, là, c'est une opportunité en or pour développer l'habilité, la compétence, la capacité de composer intelligemment avec l'incertitude, parce que l'ensemble des paramètres de la civilisation occidentale sont bouleversés. Et ça dure depuis plusieurs semaines. Donc, d'amener, par exemple, quelqu'un à développer la compétence à composer avec l'incertitude pour une situation qui dure 2 semaines, c'est une chose. Mais quand que la situation perdure pendant 1 mois, 2 mois, puis là plusieurs mois, et peut-être même pendant plusieurs années, ça en est une autre. Parce que pour être capable de perdurer dans un état de centricité en dépit de l'incertitude, il faut être stable dans le mental et il ne faut pas que son énergie soit diffractée, l'énergie de l'esprit soit diffractée par de la réflexion, de l'astralisation. Il ne faut pas qu'elle soit dégradée, en fait, par un processus de réflectif qui fait interférence avec le rayonnement fondamental du rayon de l'énergie de l'esprit. Et ça, c'est pas nécessairement évident. Donc, d'être centrique dans une situation parfaite, comme quelqu'un, par exemple, qui est au monastère, tout va bien, il passe son temps à méditer à chaque jour dans un endroit calme, paisible. Donc, d'être centrique, de ne pas être déstabilisé par l'environnement, surtout si la personne fait une retraite spirituelle dans un lieu, en nature, avec la verdure, les arbres, les petits oiseaux qui chantent, c'est facile. Par contre, c'est dans une situation de tension sociale, une tension économique, une tension mondiale sur plusieurs plans, de rester centrique en dépit de tout ça, c'est ça le défi. Donc, c'est sûr que l'incertitude dans laquelle on est plongé depuis plusieurs mois, depuis le début de la crise en fait, qui perdure dans le temps, ça nous donne une mesure de la contenance parce que il y a des gens qui peuvent composer avec une situation d'incertitude pendant 2 semaines et après ça, ils vont entrer en état de crise, d'irritabilité, dans un état de dépression, des problèmes d'insomnie, problèmes d'alimentation. Ensuite, les gens vont avoir des symptômes liés au stress, à la tension. Ils vont être dans certains cas, ils vont être en état de choc. Il y en a d'autres, c'est pas 2 semaines, ça va être 2 mois. Il y en a d'autres, ça va être 2 ans. C'est selon la capacité de chacun et les failles que la personne peut présenter. Et c'est sûr que d'être confronté à une situation d'incertitude, c'est tout le temps de voir par rapport à la situation qu'est-ce qui peut nous amener à réfléchir puis à souffrir. Donc, pourquoi que les gens souffrent de l'incertitude? La réponse qui me vient, qu'est-ce que l'esprit me dit, c'est parce que les gens vivent pas le moment présent. Les gens sont pas tous là. Les gens réfléchissent des informations en lien avec le passé ou l'avenir. Donc, les gens vont dire, dans le passé, j'avais une garantie qu'à chaque temps des fêtes, je laissais briller Noël en famille. Alors que là, présentement, c'est pas sûr que vous allez avoir le droit, que le gouvernement va vous donner le droit de célébrer le temps des fêtes, que ce soit Noël ou le jour de l'an en famille. C'est pas pareil. Donc, les certitudes associées à la civilisation de la vie en collectivité présentement sont ébranlées par rapport à certaines fêtes, certaines façons de faire. Et c'est sûr que quelqu'un qui voit beaucoup d'éléments qui sont déconstruits en peu de temps, remis en question, ça demande une bonne capacité d'intégration. Donc, quelqu'un qui vit beaucoup d'incertitudes sur plusieurs plans, le plan familial, le plan professionnel, par la suite des incertitudes aussi dans son rapport avec ses amis, ses activités de loisirs, lorsqu'il va à l'épicerie. Donc, le climat d'incertitude généralisé peut occasionner naturellement l'émergence de gens prise avec une situation de troubles d'anxiété généralisée. Donc, l'incertitude devient généralisée, ça crée de l'anxiété qui se généralise au sein de certains individus, et c'est normal. Et c'est sûr que c'est en fonction des failles de l'individu qui était déjà là avant la crise que l'individu peut en prendre conscience. Quelqu'un qui, par exemple, était fragilisé par rapport à justement là, à tout ce qui va, dans le fond, l'amener à être décentré. L'incertitude, c'est en fonction de chacun. Donc, quelqu'un qui a de la difficulté à composer avec l'incertitude au niveau professionnel, donc la possibilité, par exemple, de perdre son emploi par rapport à la crise, puis, dans le fond, il donnait beaucoup d'importance à la vie professionnelle, puis était beaucoup attaché à son emploi, bien, il risque de souffrir en proportion de l'incertitude que ça génère. Tandis qu'une autre personne, c'est l'aspect relationnel. Le fait que, par exemple, il est incertain qu'il y ait la possibilité de célébrer le temps des fêtes en famille, c'est la personne de beaucoup d'importance au rassemblement du temps des fêtes pendant la période, justement, du temps des fêtes, hein, en Noël et le jour de l'an. Elle va souffrir en proportion. Puis une personne peut beaucoup souffrir de l'incertitude vécue au niveau professionnel, tandis que l'autre, ça va être par rapport à l'idée de célébrer ou non le temps des fêtes en famille, puis c'est en fonction de chacun. Quelqu'un peut dire, ah, ben c'est démesuré la personne qui a beaucoup d'incertitudes au niveau professionnel, et elle en a beaucoup au niveau de célébrer le temps des fêtes, puis un autre peut dire la même chose d'elle et vice-versa, c'est selon chacun. Et c'est à chacun de voir par rapport à quel aspect de lui-même que, par exemple, un climat social, mondial, d'incertitude le dérange ou l'instabilise. De regarder aussi la communication intérieure qui émerge par rapport à ça, puis les réactions. C'est très intéressant puis révélateur par rapport à soi pour voir c'est quoi qui nous descende. Parce que qu'est-ce qui nous descende? Ça peut être des zones d'ajustement. Donc, par exemple, quelqu'un qui est décentré par rapport à son devenir professionnel, quelqu'un qui est décentré par rapport à sa vie familiale, sa relation amoureuse, si la personne ne vit pas sous le même toit qu'avec sa compagne, et là, la personne ne sait pas si elle a la possibilité qu'il y ait un autre confinement qui ferait en sorte qu'il ne pourrait plus voir sa compagne, etc., ou ça serait devenu illégal de le faire. Donc, il y a tout ce niveau-là d'incertitude. Et plus qu'on est dans l'incertitude, et plus que l'ego peut avoir tendance à se réfléchir, s'il y a besoin de se sentir supporté par des formes, puis si l'ego cherche des garanties. Donc, une situation n'est déstabilisante pour que n'est déstabilisante que pour l'ego qui peut être déstabilisé. J'ai un adage qui va dire « tout est reçu selon la forme du récipient » et je suis totalement d'accord avec cet énoncé. Donc, tant que l'ego cherche à s'appuyer sur des formes pour se donner un confort de vie, pour se sentir impuissant, se sentir important, tant aussi longtemps que l'ego peut être déstabilisé par elles, si elles sont manquantes. Donc, si quelqu'un, par exemple, se sent important puis valorisé parce qu'il organise une fête de célébration de Noël et du jour de l'an chez lui, puis il peut pas le faire, ben, il peut en souffrir. Si un ego vit par la suite des situations dans lesquelles il est obligé de compter du temps malgré lui, ça peut être extrêmement contrariant. Donc, si je prends la situation présente au Québec, où les dirigeants de la province ont mis en place une situation qui appelle de contrat moral entre eux et la population. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un contrat à sens unique, là. C'est pas un contrat dans les deux sens. C'est que les gouvernements ont demandé aux gens de respecter scrupuleusement là, les mesures sanitaires, de respecter les règles dans les prochains jours pour avoir la possibilité, s'il y a moins de 1000 cas signalés de gens atteints du coronavirus dans les prochains jours, de célébrer Noël en famille. Donc, et pour qu'il y ait une autorisation de tels rassemblements familiaux, il faut que la population diminue les contacts sociaux, respecte des mesures extrêmement strictes pour éviter la propagation du virus. Donc, le gouvernement, dans la façon de formuler son contrat, dit aux gens Ben, soyez gentils, soyez dociles, suivez les règles sanitaires, puis par la suite, si vous êtes faim, ben, à ce moment-là, vous allez permettre à ce qu'il y ait moins de 1000 cas par jour, et comme ça, vous allez avoir le droit, la permission de célébrer le temps des fêtes, alors que, avant la crise, il y a à peine un an, il n'y aurait pas personne qui aurait accepté un tel chantage fait auprès de la population. Donc, les gens, pour eux, c'était acquis qui allaient célébrer le temps des fêtes comme à chaque année. Et le fait qu'il est incertain au moment où je vous parle que les gens puissent célébrer le temps des fêtes plonge beaucoup de personnes dans un climat d'incertitude par rapport à cette période. Le gouvernement qui fait une gestion de la crise jour après jour en changeant des choses participe aussi à cette incertitude-là. Donc, à l'origine, le gouvernement avait annoncé, avec du mois de novembre, que pendant 4 jours ici au Québec, les gens pourraient se rassembler. Ensuite, il précise que c'est pas nécessairement chacune des 4 journées, c'est seulement 2 fois pendant les 4 journées. Puis là, ils ont rajouté que ça prend moins de 1000 cas par jour dans les prochains jours pour que cela puisse avoir lieu. Donc, c'est le gouvernement qui crée ça en mettant en place une gestion jour par jour. Il crée de l'incertitude. Et les gens, c'est sûr, puis moi-même, c'est de regarder si je vais vibrer à la réflexion, puis à regarder aussi ma lecture du dilemme. Parce que d'un côté, le gouvernement, en créant ce dilemme-là, en disant aux gens, bien, vous venez tranquille, puis si vous êtes sage, vous allez peut-être avoir Noël. Un peu comme les adultes vont dire à l'enfant, bien, si t'es gentil, là, peut-être le Père Noël va te donner un cadeau, mais il faut vraiment que tu sois gentil. Fait que ça, c'est une façon de rendre les gens dociles en leur faisant miroiter quelque chose, l'espoir de pouvoir peut-être célébrer Noël en famille. Donc, c'est une forme de chantage, une forme de manipulation. Et ce qu'il faut réaliser là-dedans, c'est, à travers ce contrat moral, c'est qu'il y a la partie gouvernement qui n'est pas impliquée. Donc, le gouvernement, en contrepartie, s'engage pas à améliorer la gestion à vitesse grand V des hôpitaux, des résidences de personnes âgées, où il y a de nombreux cas de coronavirus. Et c'est sûr que, quand je regarde le dilemme, c'est que d'un côté, on met tout le fardeau de la responsabilité de l'augmentation du nombre de cas sur la population, et pour moi, c'est totalement aliénant, parce que en réalité, il n'y a pas juste la population qui participe au fait ou non qu'il y ait la propagation d'un coronavirus. Le gouvernement aussi, c'est le gouvernement... Généralement, les résidences de personnes âgées, pour des raisons de manque de personnel, bien ça, ils n'en parlent pas. Donc, c'est à un seul niveau. Donc, la façon que c'est formulé, c'est que s'il n'y a pas moins de 1000 cas par jour, le gouvernement n'a aucune imputabilité. C'est pas de sa faute. C'est la faute de méchants citoyens qui ne respectent pas les mesures. Puis là, ça permet de camoufler s'il y a des manquements majeurs dans la gestion de la crise. Puis, de nous mettre l'attention puis nous polariser en disant « Ah, c'est la faute de personnes qui veulent pas se conformer aux règles. » Peut-être qu'ils vont accuser publiquement certains individus. La façon qu'est formulé le problème, c'est que le gouvernement, peu importe le cafouillage dans le réseau de la santé, il s'en lave les mains. Puis ça sera de la responsabilité des gens. Il n'y a pas de temps des fêtes. Fait que c'est avantageux par rapport au gouvernement, parce que ça lui permet de sauvegarder sa face. Donc, d'avoir l'air beau, d'être fin, puis de se présenter sur un jour favorable. Donc, en disant, ben c'est pas moi le méchant, c'est vous autres, si vous suivez pas. Mais c'est aliénant. Tu sais, dans le sens d'attribuer une réalité, une responsabilité à quelqu'un qui n'a pas la responsabilité totale de quelque chose. Pour moi, c'est un non-sens. C'est comme, par exemple, le père de famille qui va dire aux enfants, « Ben, si dans la famille, on est malade, ben ça va être de votre faute. » Alors que les parents font pas une bonne gestion de la famille, puis ils respectent pas, même pas nécessairement les règles qu'ils mettent en place, tu sais. Pour moi, ça serait comme un non-sens, là, tu sais. Donc, mettre tout le fardeau sur des individus. Et c'est sûr que si je fais une lecture occulte derrière ça, ce que ça me dit intérieurement, puis je vais l'étudier avec vous, puis là, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va descendre, Ce que ça me dit intérieurement, c'est que le gouvernement cherche à sauvegarder sa face, bien paraître, pour peut-être éventuellement être réélu, puis être élevé dans les cotes de sondage de popularité, de continuer à se faire aimer par le peuple, puis en même temps, avoir d'un côté les moutons noirs qui vont rendre responsables, là, naturellement, les boucs émissaires, s'il y a plus que 1000 cas par jour. Et à ce moment-là, ben, ça peut servir aussi de levier pour justifier des mesures encore plus de répression de la population. Donc, si le nombre de 1000 cas par jour ne diminue pas, ben, ça pourrait servir à ce que le gouvernement pointe du doigt les gens qui ne vont pas dans ce sens-là. Certains lanceurs d'alerte sur Internet qui parlent entre autres sur YouTube puis de plus en plus sur l'interface Odyssey, parce que de la censure qui s'opère là, de plus en plus sur YouTube, Facebook. Donc, à ce moment-là, ça peut servir une façon de manipuler les gens, la population en général, en disant « Ah, c'est de la faute des lanceurs d'alerte qui vont pas dans le sens du discours officiel, qui ont saboté les efforts gouvernementaux de faire diminuer le nombre de cas. » Et à ce moment-là, amener les gens à s'opposer à eux autres et à mettre le fardeau de la responsabilité que ça ne fonctionne pas, entre autres sur ces gens-là. Ça peut servir à plusieurs choses. Pour moi, c'est comme un faux marché que le gouvernement fait avec son histoire de contrat moral. Et c'est sûr que par rapport à ça, le piège, c'est de jouer dans un jeu de réflexion. Puis là, tu suives ça comme un téléroman à chaque jour. Là, le gouvernement annonce telle chose. Puis comme ça change jour par jour, ben, il veut nous garder en haleine avec tous les points de presse. Puis pendant que je perds du temps à écouter ça, puis je suis autocritique, là. J'écoute ça une fois de temps en temps, puis je trouve ça quasiment drôle, parce que pour moi, c'est la manipulation est tellement grande là-dedans. c'est incroyable. Mais en tout cas, pendant qu'on est occupé à regarder ces manipulations-là, ben on fait pas d'autre chose. Pendant ce temps-là, je m'entraîne pas physiquement. Pendant ce temps-là, ben je veux pas nécessairement faire le ménage de mon logement. Je veux pas laver mes vêtements. Donc, il faut pas consacrer trop de temps par rapport à ça. Et surtout pas dans le jeu de réflexion que l'astral cherche à nous amener derrière ça. Parce que le gouvernement peut chercher à créer une tension malgré lui en nous disant « ben là, on gère jour par jour, fait que vous allez savoir seulement dans quelques jours si vous avez à avoir la permission de vous réunir pour le temps des fêtes. » Puis là, les gens, à chaque jour, peuvent réfléchir. « On va-tu l'avoir? On le tuera-tu pas? » Un peu comme les enfants qui veulent avoir quelque chose à Noël. Donc, dans mon temps... Là, je suis rendu quasiment à 40 ans, là, mais quand que j'étais jeune, j'aimais avoir des jouets, c'était des transformeurs, donc des robots qui pouvaient changer, entre autres, en voiture. Il y avait des avions, il y a différents modèles. Et c'est sûr que quand que j'étais jeune, j'aimais ça avoir des jouets à Noël. Puis là, des fois, je réfléchissais par rapport à ça. Puis, donc, c'est un petit peu le même jeu, hein? On cherche à nous faire réfléchir avant le temps des fêtes. Est-ce qu'on va avoir notre cadeau, c'est-à-dire la permission de se réunir à Noël ou non? Moi, j'embarque pas là-dedans. Et moi, intérieurement, l'idée de m'amener à réfléchir, de compulser par rapport à ça, puis discuter avec des gens de mon entourage par rapport à ça, puis perdre de l'énergie, pour moi, c'est inintelligent. Toutes les suspenses qu'on cherche à créer, comme on va en chercher à en créer dans des bulletins de nouvelles qui sont de plus en plus dramatisés, comme des émissions de téléromans, des téléromans qui avec des intrigues, hein, d'un épisode à l'autre, puis on crée des suspenses. Qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours? La suite lors du prochain épisode. La suite lors du prochain point de presse du gouvernement. Donc, on met en place des points de presse du gouvernement qui dit aux gens quoi faire, quoi penser. Puis, il faut être capable de sortir de ça individuellement parce que ça crée de l'énergie vitale. Mais sinon, pour ce qui est de la capacité à composer avec l'incertitude, c'est sûr que de composer avec l'incertitude de célébrer ou non le temps des fêtes, c'est à un niveau. Il y en a, c'est beaucoup plus tendu dans le sens que pour certaines entreprises au Québec, des petites et moyennes entreprises dans le domaine de la restauration, l'hôtellerie, ben l'incertitude qu'ils ont à vivre, c'est de voir est-ce que leur commerce va fermer ou non dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est à ce point-là. Il y a des gens un peu partout dans le monde qui vivent des réalités similaires. Il y a une mutation de la société qui s'opère depuis le début de la crise. Donc, les gens, naturellement, on les retrouve moins dans les hôtels. Ils prennent moins l'avion. Donc, il y a des changements drastiques, rapides de comportement qui créent de l'incertitude. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'astral peut chercher à attirer notre attention sur certaines choses pendant qu'il se passe autre chose à un autre niveau. Je m'explique. Pendant que les gens ici au Québec, là, on nous présente dans les médias, là, puis on crée une tension dramatique, on dramatise les bulletins de nouvelles comme des émissions de téléroman ou de télé-réalité, à savoir est-ce qu'on va avoir un Noël ou pas, puis la balle est dans votre camp, c'est la responsabilité de la population de suivre les mesures, puis on focus notre attention là-dessus, comme si c'était très grave. D'ailleurs, on amplifie le phénomène par rapport à la crise, puis on est centré sur l'idée de célébrer ou non Noël. Ben, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Eh bien, il y a des gens qui, tranquillement, sont en train de mettre en place un plan qui s'appelle « The Great Reset », donc la grande réinitialisation, entre autres. Il y a d'autres agendas là, par rapport à l'humanité. Là. Donc, pendant que les gens se préoccupent à savoir s'ils vont célébrer Noël avec papa, maman, les oncles, les matantes, puis à combien de personnes, puis est-ce qu'ils vont pouvoir prendre de la nourriture dans un buffet à volonté? Parce que là, apparemment, si plusieurs personnes mangent dans un buffet à volonté, ça pourrait occasionner un risque grave de contamination. Il y aura peut-être des millions de morts s'il y a des gens qui mangent ensemble dans des buffets à volonté en famille. En tout cas, on verra bien là, qu'est-ce qui arrivera. Là. On va voir si... en tout cas, je ris, mais bon, on verra. Mais c'est ça, pendant qu'on est préoccupé par ces choses-là, les gens de la population, à un autre niveau... Il y a des décideurs au niveau international qui regardent qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'économie. Et c'est sûr que depuis les derniers jours, je m'intéresse entre autres à l'agenda du Great Reset, qui est un plan entre 2020 puis 2030 de mettre en place une humanité régie par des règles, des paramètres internationaux totalement différents, avec des changements drastiques. Et c'est sûr qu'on dit toujours que c'est pour le mieux de la population. Donc, c'est présenté comme étant un plan qui va permettre à l'humanité enfin de s'épanouir, mettre fin à la pauvreté, mettre fin aux problèmes d'accès à l'éducation, qu'il y ait plus de justice, résoudre les problèmes de pollution atmosphérique, de production de gaz à effet de serre, qu'il y ait une plus grande justice sociale. Alléluia! Donc, c'est présenté comme la planche de salut de l'humanité. Et c'est sûr, les gens du Forum économique de Davos qui en font la promotion. Mais, pour les gens qui se sont intéressés à l'histoire, puis aux utopies du passé, qui se sont parfois transformées en dystopies, c'est-à-dire leur contraire, on peut se permettre d'avoir un petit esprit critique. Parce qu'il ne faut pas oublier que, dans le temps de l'Allemagne nazie, Adolf Hitler... a vendu l'idéal du nazisme en disant au peuple allemand « c'est ce qui va vous sortir du chômage ». Et là, on nous vend l'idée que Grande Reset, c'est ce qui va nous sortir de la crise, qui va nous permettre de faire face à l'impasse économique dans laquelle on se trouve avec l'endettement des États-nations. Donc, dans le temps de l'Allemagne nazie, ben, on vendait à la population que ça va permettre, avec ce nouveau régime, de mettre fin au chômage. Ça va permettre aussi à chaque Allemand d'avoir accès à un véhicule automobile, une Volkswagen. Donc, une auto. Ensuite, il y a plein de belles choses qui étaient mises de l'avant. L'accès à la radio. Il y a eu de la production masse de radio. Les autoroutes. Mais, malheureusement, on a vu qu'est-ce que ça donnait le régime nazi, une dictature. Même chose pour le communisme. Et pour ce qui est de la redistribution de la richesse de la population pour améliorer son niveau de vie, de ce qu'on a vu sous le régime de Staline, ben c'est sujet à discussion. Parce qu'il y a des endroits, tu sais, dans l'URSS, entre autres, si on pense à ça par rapport aux communistes, où il y a eu l'Allemagne de l'Est puis l'Allemagne de l'Ouest. Et finalement, la partie de l'Allemagne qui avait resté capitaliste avait un niveau de vie nettement plus élevé que celle de l'Est. Et c'est sûr que par rapport au Great Reset, dont les médias de masse parlent peu, À part une vidéo qu'on peut voir, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, qui en parle ouvertement là, du Great Reset, là, que la crise du coronavirus pourrait être l'opportunité de mettre en place le Grand Reset et d'apporter des changements. À part cette vidéo-là qui circule sur Internet, je pense que c'est Global TV ou Global News, quelque chose comme ça qui le diffusait à l'origine. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, dans les coulisses, à un certain niveau, il y a des gens qui se préoccupent du Great Reset, puis de voir comment ils orchestrent pour favoriser l'acceptabilité sociale de leur régime qui cherche à nous vendre. Ils peuvent chercher à nous séduire. Puis comment ils vont amener ça? Et c'est sûr que, dans un sens, ça pique mes curiosités. Donc, il y a des gens qui, présentement, s'intéressent à ce niveau-là. Puis pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui sont intéressés plus à court terme. Vas-tu fêter Noël avec papa, maman? Vas-tu avoir des cadeaux à Noël? Parce que là, si on peut propager le coronavirus en touchant des cadeaux, hey, on ne pourra plus s'échanger des cadeaux en personne. Donc, il y a un niveau de préoccupation qui est là, un autre niveau qui est là. Puis, il y a d'autres niveaux aussi. Au niveau ultime, c'est l'individu, parce qu'il peut être manipulé à trop s'intéresser au Great Recess puis négliger les besoins de sa vie, c'est clair. Puis il peut être manipulé à trop s'intéresser à savoir ses fêtes Noël puis négliger ses besoins d'avoir la paix de l'esprit puis de sortir de la réflexion, c'est clair. Tout peut être prétexte à réflexion. Puis l'individu qui, à un certain niveau, veut avoir la paix, là, pour réfléchir au temps des fêtes, pour réfléchir à l'agenda qui sous-jacent de l'élite, ben, il peut affirmer haut et fort « Je veux la crise de paix ». Puis à chaque fois que la pensée se présente à lui, il peut parler à voix haute. À chaque fois qu'il va capter une entité qui cherche à l'astraliser par rapport à quelque chose, il peut dire « Foutez-moi la paix » avec affirmation, autorité. Foutez-moi la paix. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça prend la force, la volonté de le faire à voix haute, puis de pas avoir peur d'avoir l'air fou. La personne peut dire, la seule chose que je suis certain dans l'ici maintenant, c'est que je veux la crise de paix. Pas la paix du Christ, comme dirait Bernard de Montréal. Non. Je veux avoir la paix par rapport à l'émergence d'un paquet de pensées en ligne de l'incertitude associée au contexte présent. Donc, l'incertitude à plusieurs niveaux. L'incertitude à savoir qu'est-ce qu'on va faire sur le plan professionnel dans quelques mois. Sur le plan amoureux, sur le plan de la famille, et ainsi de suite. Donc, la personne peut dire « Foutez-moi la paix » avec ces jeux-là de réflexion. Parce que, à quelque part, je peux capter vibratoirement que dans l'invisible, il y a des êtres qui tirent les ficelles. Puis que, à quelque part, le surplus de réflexion est toujours une dépense d'énergie inutile. En fait, je parle de surplus ici. Mais je pourrais dire que même que la réflexion tout court, c'est une dépense d'énergie inutile. Parce que réfléchir l'énergie, c'est la dégrader. Parce que quand on est en contact avec l'esprit, on la dégrade pas. On vit ce qu'on a à vivre. Mais quand on vit des choses que l'ego, ça y fait pas plaisir, il peut avoir tendance à se réfléchir. Donc quelqu'un, par exemple, il vit une situation contrariante. Ça dure 2 semaines. Bon, mais c'est une période difficile à passer. Il est sous tension. Il peut être un peu plus irritable, plus de difficulté à dormir. Mais après ça, les choses rentrent dans l'ordre. Mais là, finalement, le 2 semaines, s'il change en 1 mois, en 2 mois, 3 mois, si la crise est tout le temps renouvelée aux 2 semaines, comme c'est le cas au Québec, puis on disait, ah, ben les mesures d'urgence, c'est temporaire, le mot le dit, c'est urgence. On peut pas être tout le temps en situation d'urgence, mais non. Depuis le 13 mars 2020, un célèbre vendredi 13, le Québec est en état d'urgence, un peu comme les principaux pays occidentaux. Puis l'urgence perdure. Et ça nous plonge dans une incertitude. Donc, surtout que quand on vit dans une période où le gouvernement gouverne par décret, c'est très insécurisant. Parce qu'à ce moment-là, les lois ne sont pas votées par l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas de débat entre des politiciens. Non, non. C'est le gouvernement, d'une manière unilatérale, qui décide des choses. Donc, ça enlève une certaine sensation que il y a des gens qui défendent les droits du peuple ou des partis de l'opposition qui peuvent s'opposer à certaines lois qui peuvent être mises de l'avant par le gouvernement. Donc, le fait de qu'un gouvernement qui dirige par décret, c'est-à-dire décision unilatérale, qui est tout seul, ça peut amener des gens à se sentir impuissants. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de composer avec l'incertitude sans se réfléchir. Puis de ne pas se laisser gagner par la peur, par la tristesse que peut engendrer l'incertitude. Parce que faut pas donner le pouvoir à la situation d'incertitude de nous amener à sombrer, à connaître une dégradation de notre qualité psychique. La meilleure façon qu'un égo peut avoir une mesure de lui-même, c'est en pleine situation de crise, de ce que certains appellent une pandémie mondiale, ou de croyance qu'il y a une pandémie mondiale qui est véhiculée par les médias. Nuance! Sans pour autant qu'il y ait des millions de morts. Donc, c'est de composer avec l'incertitude ambiante, puis de ne pas se laisser atteindre par ça, de ne pas se laisser happer psychiquement par rapport à ça. C'est ça le défi. Tu t'aides bien dans sa peau, puis quand même qu'on regarde des animateurs de nouvelles, des dirigeants politiques qui sont anxieux, angoissés par la situation, puis cherchent à nous imprégner de leurs vibrations, en cherchant à nous convaincre que la situation est grave. Je pense entre autres à une dirigeante qui a déclaré, Geneviève Guilbeault, qui s'occupe ici du gouvernement, au niveau du gouvernement provincial par rapport à donner des consignes en situation de crise, a déclaré « l'heure est grave ». Donc, une phrase clé, hein? Donc, on essaie de nous vendre l'idée que l'heure est grave. Puis c'est sûr qu'à travers ça, il y a des gens qui dirigent, qui agissent sous influence, entre autres, d'entités astrales, qui cherchent à amener d'autres personnes à vibrer à l'astral, mais les gens qui disent ça, ils n'en sont pas conscients. Il y a des gens qui sont chevauchés par l'astral malgré eux, puis qui dominent malgré eux, mais ils ne le voient pas, puis on ne peut pas les blâmer de ne pas le voir parce qu'ils n'ont pas la clarté psychique suffisante pour avoir une compréhension multidimensionnelle des réalités impliquées derrière les propos qu'ils tiennent. Donc, c'est sûr que si la personne est inconsciente que le plan astral existe, que le plan éthérique, puis des entités qui cherche à influencer l'être humain puis à les manipuler par individus interposés existe, la personne est inconsciente. Puis malgré elle, tu sais, peut-être que la personne, spirituellement parlant, veut bien faire, elle veut sauver la veuve puis l'orphelin. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que l'enfer est teinté, le chemin qui mène à l'enfer est teinté de bonnes intentions. Ben oui, il y a plein de personnes bien intentionnées. Des gens qui vont vouloir que tout le monde se fasse vacciner, puis malgré eux, puis dans leur cœur, ils ont la croyance sincère qu'en faisant, en agissant ainsi, c'est pour le bien de tout le monde, puis malgré eux, puis qu'ils savent mieux que les autres qu'est-ce qui est bon pour eux, puis d'imposer ça, c'est totalement légitime, avec grande sincérité. Mais c'est ça, il y a des gens qui manquent de sensibilité, puis on peut pas leur reprocher de manquer de sensibilité en relation avec un manque d'intégration de la multidimensionnalité de leur conscience. Ils n'ont pas accès, Peut-être qu'un jour, ils vont se réincarner pour y accéder, ça c'est une autre affaire. Mais s'ils n'ont pas accès présentement, ils n'ont pas accès. Il faut composer avec ça. Donc, il faut composer avec les dirigeants qu'on a qui nous plongent dans des histoires d'incertitude à savoir, là, si vous êtes pas fin, vous aurez peut-être pas la possibilité de fêter Noël en famille. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, l'individu a tellement souffert de l'incertitude, c'est tellement fait chier par l'astral que tabarnak, il y en a plein le casse. Puis tabarnak, il est certain de plus vouloir se faire chier par la réflexion qui entretient l'état d'incertitude. Parce qu'en réalité, l'incertitude peut être amenée, ça prend quelques secondes, par l'écoute d'un bulletin de nouvelles où il dit que les Québécois ne sauront pas avant le milieu du mois de décembre s'ils vont avoir le droit ou non de fêter Noël. Donc, une idée, ça dure à peu près quelques secondes. Mais si la personne passe toute une bonne partie des jours qui suivent à penser à ça 24 heures sur 24, l'incertitude gruge ses énergies vitales. Donc, faut pas réfléchir les éléments qui sont incertains. Donc, pis ça, c'est à plusieurs niveaux. À un niveau où quelqu'un va dire, moi, je me fais pas manipuler par ça, là, l'incertitude de fêter Noël. Moi, je m'en fous, Noël. J'en ai rien à foutre de fêter ça en famille, OK? Mais la même personne, peut-être que l'idée qu'il y ait un grand reset, puis qu'il y ait des gens qui cherchent à mettre en place une dictature mondiale en utilisant le prétexte qu'on veut mettre en situation un nouveau paradigme au niveau international avec des instances mondialistes qui vont avoir plus de pouvoir sur les États-nations, que c'est une entrée propice pour mettre en place une dictature mondiale. Ça peut y faire vibrer de l'incertitude puis de la réflexion. Mais l'histoire là, de Noël, non. Fait que c'est du cas par cas, puis c'est en fonction de chacun. Mais à présent, j'ai une certitude que je vous partage. C'est que je complète l'enregistrement. Et ben là-dessus, ben c'est sûr que je vous remercie de votre écoute. Et c'est sûr que s'il y en a qui apprécient mes entretiens, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez m'envoyer de l'argent par les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, c'est sûr que pour les gens qui m'ont acheminé de l'argent, et je vous remercie sincèrement au fil des semaines, au fil des mois. Donc, il y a des gens qui, une fois de temps en temps, en guise d'appréciation de mes enregistrements, m'en ont acheminé. Eh bien, je vous salue particulièrement. Et c'est sûr que vous allez avoir les informations advenant qu'il y en a qui ont envie de m'acheminer de l'argent en bas de l'enregistrement présent, là, naturellement, avec mes coordonnées là, par rapport à PayPal, puis également Interac. Et je vous dis à bientôt et au revoir. Bye-bye.